Talent rouge égale presque ton salaire. Lorsqu'on bouge armé égale des mecs à terre. J'bois du cognac, j'suis tout seul dans l'avion. J'pars voir les étoiles, vivre avec eux. Droite ou gauche, mais t'es pas du milieu. Je le sais, j't'ai pas vu sur les lieux. T'es perdu dans le flow, t'es perdu dans les mots. Ba ba ba ba. On est jeune et beau et puissant. Dans le reflet du ruisseau, je vis un monsieur, monsieur. J'vais le dire, ah oui, c'est vicieux. T'es qu'un fils de pute, tu me verras jamais les yeux, les yeux. Ton équipe douce, tu t'habites, mon gros. Quoi? Ta gueule et monte la vite, mon gros. Ah ouais, j'vais te devenir riche, mon gros. Ah ouais, y'a l'avenir dans les chiffres, mon gros. J'me lève à 10 du matin. Dans mon lit, je peux regarder la mer. Elle monte sur moi, son cœur palpite. Donne comme moi que t'as besoin, bébé. L'allure est soignée. Audemars a 100 balles et t'as mon poignet. Le temps passe, je vais devoir m'éloigner. T'as 20 kills, faut détourner les douaniers. Sans les bitch, sans les snitch, Robin. Même du car, j'suis devenu riche, Robin. Téléphone, tu parles de jeu. Quoi? Fils de pute, 1002, tu prends ton satellite. Oh, c'est pas ta mère qui prend des risques. J'sais qu'elle m'aime et y'a tout ce qu'il faut. Ouais, ouais, ouais, ouais. Dieu a des âmes, moi j'en ai plein. Que voulez-vous, oui, le monde est fou. J'aimerais vous dire que tout est beau. M'aimeras-tu si je suis dans le trou? Seul Dieu le sait, de mon volant. Y'a peut-être la mort au rendez-vous. Donc pas le temps, j'ai mes enfants. J'dois fumer le maximum de loup. J'sais qu'il y en a beaucoup. T'es pas dans le coup. Arrête-toi, t'es fou. Quand tu bois beaucoup. Elle est tellement bonne, tu peux pas la wet. Tu n'as pas de charme, pas de papier. Frère, j'en ai plus que dans le barillet. Dans vos rêves que vous gagnez. Tu voudrais m'allumer, cogno. Tu vas finir ta nage vingt dans mon cendrier. Cap, j'ai les mecs qui dorment dans le barrio. Bing, bang, ciao, mal pario. L'arme, drogue, trop de bif, trop de bandeurs. Dans les boîtes et chichas, y'a beaucoup de menteurs. Ils ont tous un nom chez les vendeurs. Devant les miches, toi t'as beaucoup d'ampleur. L'allure est soignée. Audemars a 100 balles à mon poignet. Le temps passe, je vais devoir m'éloigner. T'as 20 kills, faut détourner les douaniers. Sans les bitches, sans les snitch, Robin. Même tu car, j'suis devenu riche, Robin. Téléphone, tu parles de jeu. Quoi? Fils de pute, 1002, tu prends ton satellite. Oh, c'est pas ta mère qui prend des risques. J'sais qu'elle m'aime et y'a tout ce qu'il faut. Ouais, ouais, ouais, ouais. Dieu a des âmes, moi j'en ai plein. Que voulez-vous, oui, le monde est fou. J'aimerais vous dire que tout est beau. M'aimeras-tu si j'suis dans le trou? Seul Dieu le sait, de mon volant. Y'a peut-être la mort au rendez-vous. Donc pas le temps, j'ai mes enfants. J'dois fumer le maximum.